Mimésis. Chapitre 3. Vercorp. Le boss a la perquise facile. Moi, j'aime pas me lever aux aurores, mais faut bien avouer que là, j'ai pas trop le choix. Mon visage aussi était flouté, et ça, c'est vraiment pas normal. Alors ni une ni deux, on file en hélitransport jusqu'au siège de ces vendeurs de rêves. Y a pas de raison que je sois le seul privé de sommeil. Le building de la VR Corp se dresse en monolithe noir dans le petit matin. Hommage cliché s'il en est de l'architecte au grand Kubrick. Le bâtiment, couvert d'un enduit d'obsidienne, est dépourvu de fenêtres. On invoque la sécurité devant l'espionnage industriel, mais la raison première tient du marketing. De l'autre côté du miroir, un monde d'écran continu borde chaque pièce et vente, entre deux paysages idylliques, la culture de l'entreprise. Entrer dans un immeuble par le toit au début, ça a dû faire tout drôle. Mais on s'est vite habitué. Les grandes compagnies ont gardé leur rez-de-chaussée pour le tout venant, mais maintenant, c'est en haut que ça se passe. La VR Corp, c'est plusieurs milliards de chiffres d'affaires, des gros pontes qui distribuent leurs produits aux quatre coins du monde. Alors forcément, dès le parking, on met les formes, même à 6h du matin. Du sol entièrement noir jaillissent des sortes de poissons volants, mais tout de lumière et qui vous frôle et vous transperce dans un frémissement continu. Dans les airs, ils forment une ronde qui dessine le logo de l'entreprise, un disque orange percé d'une pupille de jet, avant de s'écraser contre la roche. Chaque impact vient creuser le sol sous mes pieds. Des marches apparaissent. J'avoue, ça rend bien. En contrebas, un mec nous fait signe de descendre. Je ne demande qu'à voir la suite du spectacle. Comble des temps modernes, la police aussi doit montrer patte blanche. On vérifie chaque carte, irait jusqu'à relever une empreinte, scanner une rétine peut-être. Ici, l'inspecteur s'impatiente. La clique qui l'accompagne lui semble tout acquise, ce qui lui confère une autorité prodigieuse. On cède de mauvaise grâce et fait quérir un supérieur. Prière de bien vouloir patienter. Ça tiendrait qu'à moi, je serais déjà descendu dans les étages pour commencer la fouille illico. Je déteste attendre, mais faut bien se rendre à l'évidence. Sans l'aide des maîtres des lieux, on n'irait pas bien loin dans ces grands complexes ultra sécurisés. Au moins, mon petit numéro aura fait son effet. À défaut du Big Boss, c'est la DIRCOM qui débarque. C'est déjà mieux que rien. La directrice, la cinquantaine tirée à quatre épingles, les accueille avec un sourire tout professionnel. Cela va de soi. On leur ouvrira les archives, dans le strict respect de la loi. Et l'on fournira tout matériel qu'ils jugeront bon de saisir. Commençons par le premier étage, si vous le voulez bien. On n'y a passé qu'une heure et je sens déjà qu'on nous mène en bateau. Problème, je peux trop rien dire. Passé la première couche technique, je pige plus rien à tout leur charabia. Alors allez me parler de cryptographie, antinomique et autres réseaux B. Heureusement, j'ai ramené avec moi les petits génies du moins un. Je leur laisse le reste du boulot. Moi, malgré les hauts cris à peine dissimulés de notre guide, je lui fausse compagnie, son passe à la main. C'est parti pour une petite promenade dans leurs locaux. D'abord les toilettes, où je me déséquipe de mes lentilles. C'est pas que je leur fasse pas confiance, mais parfois j'aime être sûr de ce que je vois. À cet étage, les premiers employés sont déjà à pied d'œuvre, à tapoter sur leur table vide. Je les ai toujours trouvés ridicules, ces mimes d'un autre âge, à faire de grands gestes pour ne sais quelle raison. J'en interroge deux trois au hasard, sans trop en dévoiler, et du coup, la discussion ne va nulle part. En vrai, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est juste passer pour un fouille merde. Et ça manque pas. Alors que j'avais découvert le sésame, une sale bourrée de serveurs, j'ai à peine le temps de débrancher quelques câbles, comme ça, pour voir, qu'un mec de la sécu applique avec une bonne nouvelle. Le président veut me parler. Bingo. On dit que les riches sont libres et qu'ils peuvent tout se permettre. C'est juste la taille des ficelles qui change. Le PDG préfère recevoir dans son bureau. C'est là que, tout de blanc vêtu, il règle les affaires mortelles comme une divinité déchue. Ce qui différencie avant tout son antre des autres pièces, ce sont ses meubles 18e, des originaux de toute évidence, qui tranchent avec le dépouillement des parois. Cocasse, quoi qu'en dise l'analyse, qu'on voue à l'authentique tant de dévotion quand on sert plutôt le vraisemblable. Devant l'inspecteur, il sert d'abord un discours mielleux, fourré d'égards et de bons mots. Mais au détour d'une phrase, sans jamais critiquer son zèle, une mise en garde. Il serait fort inconvenant de s'attaquer à plus fort que soi. Enfin, nous sommes bien d'accord. Si l'on décèle le moindre dysfonctionnement, on fera tout pour le résoudre. Le mieux que l'on puisse faire, en attendant, c'est de vous livrer quelques serveurs ainsi que la main-d'œuvre pour décrypter ces visages floutés. Voyez ça comme l'assurance de notre bonne volonté. J'ai failli sortir de mes gonds et lui coller un temps. Mais même quand je suis hors de moi, je le montre pas. Faut pas répondre aux menaces, question de principe. Les mecs font les fiers avec leurs melons surdimensionnés, mais en vrai, c'est juste des merdes tremblantes qui s'accrochent à leur petit pouvoir. Alors je laisse couler. J'ai mieux à faire. Enfin, mieux à faire, c'est vite dit. Le reste de la journée est à mourir d'ennui. Je fais l'inventaire des saisines, relis les déclarations des voisins recueillies par les collègues. Mon bureau est jonché d'une paperasse virtuelle que je fais disparaître d'un revers de la main. Il est déjà 6 heures. On continuera demain.